des territoires et des points différents. Pour la tarde. Donc on a vu le fibulaire profond. Página 43. Maintenant, on va voir le fibulaire superficiel. Donc les muscles lourds et confibulaires, en fait, c'est la loge latérale. Los músculos peroneo lateral y lateral largo y peroneo lateral corto, de hecho, es el compartimiento lateral. Articulación, donc tibio, fibulaire, supérieur et inférieur. Las articulaciones son la tibio peronea superior e inferior. Et donc, des branches sensitives sur la loge latérale de la jambe et la face dorsale du pied. La forma sensitiva es el compartimiento lateral de la pierna y lateral del pie. Donc là, on va avoir deux zones à investiguer. Donc la partie loge latérale. On va tener dos zonas a investigar, es el compartimiento lateral. Le muscle fibulaire, on va dire loge latérale. Et tout le dos du pied, sauf le premier espace. Y todo el dorso del pie, el peine, salvo recordar el primer espacio. Cette fois, donc, le fibulaire et le côté latéral va gérer plutôt le mouvement donc, de supination. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est... pour le tester, on va étirer en faisant une supination de l'avant-pied. Para testar este nervio, lo que vamos a hacer es una supinación del antepié. Donc, en fait, le mouvement inverse du fibulaire profond. De hecho, es el movimiento inverso del fibulaire profundo. Alors, j'en ai repris quelques-uns en pratique. C'est pas juste je fais pronosupination de l'avant-pied comme ça dans le vide. Non, es hacer solo una pronosupinación así, en plan rápido, churro, churro, madurez. Aller sur une extension de l'ensemble du pied et ensuite pronation. Lo que tenemos que hacer es ir hacia una extensión del pie y entonces acabar con una supinación. Puisque ce qu'on veut, c'est étirer le nerf. Porque lo que queremos hacer es estirar el nervio. Donc essayez, quand je montre, de bien regarder ma position, comment je place mes mains sur le pied. Hein, tout ça, c'est important. Cuando él os lo demuestre, mirad bien de quedaros muy bien como él se pone, como pone las manos, si es lo que hace. Vous voyez là, les mains, elles sont bien au niveau des métatarsiens. Les mains sont bien au niveau des métatarsos. Comme ça, on a un bon bras de levier et du coup, on n'a pas besoin de force pour faire le mouvement. Et ainsi, nous avons un bon bras de palanca et nous avons besoin de poca fuerza pour pouvoir mouvoir les mains. Aussi, c'est important quand on fait ces mouvements de ne pas faire plein de mouvements comme ça, d'en faire beaucoup. Lo que es importante quand hagáis estos tests es no hacer el tiempo y esto de manos. C'est je prends, je mets en tension, je vais au bout, et là je vois ce que j'ai. Yo tomo, pongo en tensión y al final realizo el movimiento que quiero llegar a provocar para poner bien en tensión lo que es toda la masa. C'est vrai que parfois pour que ce soit visible, on fait un petit mouvement comme ça à la fin, mais c'est pas nécessaire. Es cierto que para hacerlo un poquito más visible, podemos hacer un poquito tecla de piano y hacer un poquito de rebote para ver si se mueve más uno que otro, pero no es necesario. C'est mieux. Paf. OK. Tenéis que coger una práctica de la leche para hacerlo a la primera y hacer plaga y se acabó. ¿Queda claro? Donc le mouvement qui est limité signe le côté a priori dysfonctionnel. El movimiento que está bloqueado marca cuál es el lado que está disfuncional. Donc là on revoit les territoires, donc cette fois on se met bien en latéral ici. Volvemos a retomar los territorios, veis que es bien lateral aquí, tres deditos verticales. Le dos du pied, bon, on se met à peu près au milieu. Hein. Después, en el dorso del pie, nos ponemos en el medio. Alors, vous voyez là, on regardera un peu sur, vous regarderez sur les pieds, c'est pas toujours visible, mais là, vous voyez, on voit apparaître le nerf fibulaire superficiel. Aquí veis la rama del fibular superficial. No para todo el mundo es visible, pero después en la práctica podemos ver si en algunos se les ve también. Donc c'est en fait par rapport au tendon de l'extenseur des orteils, voilà, c'est un petit peu plus fin que les tendons. Lo vemos que está al lado del extensor de los dedos, del tendón del centro de los dedos, pero que es mucho más fino que el extensor. Alors vous voyez qu'en fait il va se diviser en plusieurs branches. ¿Veis que se va a dividir en varias ramas? Donc là, en deux à peu près au niveau de la malléole. A nivel del maleolo, más o menos, se divide en dos. Et après, de nouveau, il se redivise. Y después, de nuevo, se vuelve a dividir para llegar a todos los dedos. Donc nous, on va le stimuler un peu juste avant la division. Nosotros vamos a estimularlo justo antes de la división. Donc le point, alors il va être... N'hésitez pas à être un petit peu au-dessus vraiment de la malléole, plutôt par ici. No os preocupéis subir un poco más por encima del malléolo. Veis que realmente está por encima del malléolo. Parce que là, son schéma, la division est là, mais parfois elle est plus haute, on le voit chez certains. En este esquema, realmente la división está aquí, pero realmente en una persona podemos encontrar la división mucho más arriba. Donc en pratique, si vous voyez qu'en appuyant, il n'y a pas de résultat, n'hésitez pas à remonter un petit peu plus haut. Si en la práctica, cuando pongáis la mano, no tenéis una repercusión, no tenéis la repercusión esperada, no dudéis en subir y remontar un poquito hasta encontrar el punto que os relate o que os modifique el territorio. Donc, on a dit donc deux territoires. Nous avons dit deux territoires. Loge latérale. Compartimento lateral. Et partie dorsale du pied. Et le point donc. Et le punto. Donc sur le devant du pied, en avant de la malléole, en avant et au-dessus de la malléole latérale. Y el punto está por encima y por dentro del malleolo peroneal. Je rappelle, hein, le fibulaire profond était ici. Alors, je recuerda que el fibular profundo peroneo profundo está al otro lado entre los dos tendones. Et le superficiel est ici. Y el superficial está entre el hueso y el tendón. Donc toujours le même principe, j'ai fermé, je fais une sidération du muscle. Siempre el mismo principio, si es un nervio, tengo que hacer su músculo. Alors comme on est plutôt sur le long fibulaire, que le long fibulaire il passe sous pied ici pour aller s'insérer sur le premier métal. Et comme estamos en el peroneo lateral, il passe por ahí para ir para abajo e ir hacia el primer métal. Donc en fait, on va se servir du levier du gros orteil. Vamos a utilizar la palanca del dedo gordo, del alus, pour agir dessus. Para poder trabajar sobre el músculo. Donc on vient mettre le gros orteil en flexion. Vamos a poner el dedo gordo en flexión. Et on demande au patient de pousser, donc de faire une flexion plantaire. Y le vamos a pedir al paciente que resista cada una flexión plantaire. Et on lâche de manière rapide. Y lâchamos de manera rápida. Donc on va se remettre en TP, je montre une fois. Vamos a hacer una práctica rápida de la leche, así que un pie por favor. De un chico. Iba directo. Puede salir. Sí. Oui, parce que c'est toujours un fils. Ouais, je me faisais ça. Ah oui. Il y en a pas beaucoup, il y a beaucoup plus de femmes. Hein. Ah oui, oui. Qué frío. vives en el pueblo de la Bella. Qué capulla eres. Entonces, así por el módico precio, Sofía hace bautizos, comuniones, bodas. Donc, le premier test. Premier test. Donc, flexion plantaire. Flexion plantaire. Et ici, supination. Et supination. Donc, si j'ai un mouvement qui ne s'exprime pas, je suspecte une dysfonction du fibulaire superficiel. Si hay una disfunción que... Ah, si hay un movimiento que no se expresa, entonces yo sospecho una disfunción de ese lado que el movimiento no se ha apreciado bien. ¿A que sí, Jorge? Est-ce que, je sais pas si sur la caméra ça va se voir. Voilà, on voit un petit peu là. Mm-hmm. Bon, on verra après en pratique, vous verrez sur vous-même. Mais ici, là, on voit, et on voit bien que ce n'est pas un tendon. C'est pas logique. Et donc là, on a le nerf fibulaire superficiel. Une branche du nerf fibulaire superficiel. Es una de las ramas de superficial. Bon, mais ça, c'est juste pour l'anecdote, pour voir. On voit peut-être des chaussettes. No, dice que tiene muchas marcas de los calcetines que no puede mostrarlos del otro pie. Donc ici, territoire. Territorio. Donc je me mets en latéral. Me voy a poner a nivel lateral. Ah, c'est pour ça que j'en ai corrigé certains ce matin, d'être bien là ici sur la loge antérieure proche. En esta mañana ha corregido algunos que se pongan más bien en el compartimento anterior. Porque si on se met un petit peu là, on commence si a être bajamos un poquito hacia abajo, vais a mezclar los dos territorios. Es importante tres dedos juntos y a nivel vertical. Donc, territoire loge latéral. Pues, territorio del compartimento lateral. Y el dos du pied. Y el dorso del pie. Si j'ai ces territoires dysfonctionnels, si yo veo un territorio disfuncional, le point dont je vais me mettre au-dessus de la malléole latérale et en avant. Voy a ponerme el territorio, voy a buscar por delante del malléolo y por encima. Donc ça c'est le point, donc territoire s'il est dysfonctionnel. Entonces el territorio si está disfuncional. J'appuie. Cuando apoye con el dedo, haga una presión con el dedo. Jusqu'à ce qu'il soit fonctionnel. Entonces va a relanzar ese territorio. Une fois que je le relance, je vais vérifier l'autre territoire. Una vez que lo he relanzado, voy a verificar el otro territorio. Si ça a relâché, à ce moment-là, saturation. Si se ha relajado en ese momento, un certain m'ont demandé à quelle profondeur. La profondeur, je ne sais pas. Algunos me habéis preguntado que a qué profundidad, no tengo ni idea. Es en la profundidad que se relanza. Voilà. Es como un ascensor. Y suivant les personnes, ça peut être plus ou moins profond. Y según la persona puede ser más o menos profundo. Il est sûr que le fibulaire superficiel, vous devriez trouver moins en profondeur que le profond. Parce que là, on est sur l'os très vite. En el superficial deberíais encontrarlo mucho antes que en el profundo, porque el superficial, como dice su nombre, está más superficial, más en relación con el hueso. Alors, c'est important aussi, je ne l'ai pas dit, vous pourrez essayer peut-être, si vous avez quelqu'un qui est donc dysfonctionnel, vous appuyez sa relance. Si encontráis a alguien que esté en disfunción, podéis buscar el punto y apretar. Et essayer d'aller encore plus loin. Et là, vous pouvez, à un moment, vous allez voir, ça rebloque. Intentar apoyar, o sea, encontráis uno que está disfuncional, el punto relanza. Seguir apretando y veréis que hay un momento dado en el que se vuelve a bloquear. Parce qu'en fait, on a dit, donc, quand je suis sur la partie superficielle du nerf, je stimule les nerfs du nerf du rouge. Porque recordar que hemos dicho que cuando estoy sobre la parte superficial del nervio, me quedo a nivel del nerf du nerf du rouge, y si sigo apretando... Et là, je vais avoir tendance à relancer. Y entonces, la tendencia es a relanzar si me quedo a nivel del nerf du nerf du rouge. Si j'appuie trop, je vais comprimer vraiment trop le nerf et là. Pero si yo aprieto demasiado, en ese momento paso a nivel del nervio y provoco un estiramiento, por lo tanto una compresión. Y entonces lo que va a provocar es un bloqueo. Porque voy a provocar yo una disfunción. Donc c'est important d'être à la bonne profondeur, ni plus ni moins. Es importante estar en la profundidad correcta, ni demasiado mucho, ni demasiado poco. Donc une fois que j'ai fait ma saturation, je me rappelle, j'ai un muscle à traiter, donc la sidération. Entonces, una vez que yo haya hecho la saturación, sé que acordaros que tengo que hacer la sidération. Donc le long fibulaire passe comme ça, il va passer en dessous du pied. El fibulaire lateral largo, recordar que extiende lateralmente, pasa por la planta del pie para ir a insertarse a nivel de la columna del arcus. Donc en fait, si je veux étirer cette zone, bah, en ramenant le gros orteil comme ça. Pues si yo quiero estirar esta zona llevando el arcus hacia flexión. On va étirer ce. Vamos a estirar este arco. Donc plusieurs manières de faire, comme sur la photo on peut faire avec le pouce, on peut faire avec l'ensemble de la main. Hay muchas maneras de hacerlo, si queréis lo podéis hacer con el pulgar, con la mano, con... Donc là je lui dis de pousser sur la main, sur mon doigt. Empuja. Et relâche. Et relâche. Luego se va a necesitar un voluntario para tratarle el cuello a Javier. La ropa viene de momento. C'est bon, c'est clair? Está claro? Donc, vous allez refaire un TP. Alors, essayez de pas passer trop longtemps sur une personne. Là, c'est juste à se rappeler les territoires. Et profitez-en pour faire donc, le superficiel et le profond. Hein, vous testez les deux. Vamos a hacer la plática ahora. Lo que os invita Manu a hacer es, por favor, que no os estéis demasiado tiempo sin la persona. Es más importante que hagáis el test, el movimiento. Si queréis, podéis hacer el de esta mañana, tanto el del fibular profundo como el del superficial, pero no, que, no os quedéis dos años a ver si sentís. No tiene ningún sentido. Es simplemente marcar los territorios y el punto. Y par contre, essayez de faire deux ou trois personnes différentes. Entonces, intentar hacerlo rápido sobre una persona. Y vamos a ir cambiando sobre otras personas para que podáis testar a otras personas y ver si a lo mejor es que el que está matando a vuestro compañero. Y sobre el otro lo entendéis mejor. Si hay gente, bueno, es difícil. Vale, vamos a ir aquí. Va a hacer. Sí, porque si no, on prend beaucoup de temps sur le groupe. Vamos.